Pandnamai, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 5. Du combat qu'il faut livrer à la concupiscence et aux inclinations corrompues. L'homme véritablement sage est celui qui reconnaît les dons de Dieu, et qui sait en même temps régner sur son âme. Quiconque dompte sa colère, sera du nombre de ceux qui jouissent de la vraie liberté en ce monde. Il n'est point d'homme plus insensé que celui qui suit aveuglément ses désirs et ses penchants corrompus, et se flatte, dans son fol espoir, que le Tout-Puissant lui fera miséricorde au dernier jour. Quoique la pauvreté soit dure à supporter, il n'est cependant, ô mon fils, rien qui lui soit préférable, l'homme qui parvient à soumettre au joug de l'obéissance son âme rebelle, se fait un nom glorieux parmi les sages. Châtie ton âme par la mortification, si tu ne veux pas qu'elle te précipite dans un abîme d'infortune. Pour acquérir une félicité solide et durable, il faut détourner ses regards de toutes les choses créées. Reconnais que tous les mortels sont plongés dans un sommeil profond, il n'y a de véritablement éveillé que celui qui est sorti de ce monde. Reçois les excuses de l'homme qui t'a offensé, garde-toi d'en tirer vengeance, afin que tu trouves miséricorde auprès du Seigneur. Dieu n'aime point celui qui fait du mal à son semblable, une telle conduite est indigne d'un homme religieux. Quiconque ulcère un cœur par son injustice, ne fait de blessure qu'à lui-même, les gémissements seront la récompense de l'homme qui se plaît à vexer ses semblables. Mon fils, ne te fais point un plaisir d'affliger autrui, et ne te rends point indigne de participer à la miséricorde du Très-Haut. N'afflige jamais le cœur de qui que ce soit, autrement ton âme sera rassasiée de chagrin. Si tu veux t'assurer l'estime et le respect, ne profère jamais le nom d'un homme que pour en dire du bien. Si tu n'es pas en état de faire du bien, au moins garde-toi de faire du mal, et n'attire point sur toi-même des châtiments sans borne. Retiens ta langue, et que jamais elle ne révèle les défauts d'autrui, afin que tes mains et tes pieds ne soient point un jour assujettis dans les liens de l'enfer. Celui qui n'enchaîne point sa langue et ne lui interdit pas la médisance, ne sera point à l'abri des châtiments. Chapitre 6. Avantage du silence. Mon frère, si tu cherches véritablement le Seigneur, n'ouvre tes lèvres que pour prononcer ses commandements. Si tu connais le Dieu vivant qui n'est point sujet à la mort, mets sur ta bouche le sceau du silence. Sois attentif, ô mon fils, à mes avis et aux conseils que je te donne. Veux-tu trouver la paix et le salut, garde le silence. Note. On dit en proverbe, la parole est la source de l'infortune, et on cite du calife Ali cette sentence, le silence de la langue est le salut de l'homme. Fin de la note. Celui qui se livre à la multitude des paroles, a le cœur gâté et corrompu. Le silence est l'exercice du sage. Note. Suivant cette sentence arabe, ce temps-ci est le temps du silence, de la retraite et d'une confiance absolue dans le Dieu vivant, qui n'est point soumis à la mort. Fin de la note. L'exercice de l'insensé est l'oubli de ses devoirs. S'interdire le mensonge et la médisance, c'est un silence dont l'obligation est indispensable. Celui-là est un insensé qui se laisse emporter par le plaisir de parler. Ne parle jamais, ô mon frère, que pour proférer les louanges de Dieu, et n'emploie point sa parole sainte dans des discours vains et injurieux. Dès qu'un homme se laisse dominer par le désir de parler, tout ce qu'il possède est livré au pillage, la multitude des paroles donne la mort à l'âme, quand même et elle serait d'un prix égal à celui des perles d'Aden. L'homme qui consacre tous ses efforts à acquérir le talent de parler, fait une plaie à son âme et défigure la beauté. Retiens ta langue étroitement enfermée dans la prison de ta bouche, et ne mets point ton espérance dans les créatures. Celui qui n'a les yeux ouverts que sur ses propres défauts, verra son âme acquérir une nouvelle force. Chapitre 7. Des caractères qui distinguent les hommes pieux, et de la pureté des actions. Quiconque a une foi sincère, doit conserver quatre parties de lui-même exemptes de quatre sortes de défauts. Que ton cœur, mon frère, ne soit point souillé par la jalousie, ce n'est qu'en évitant ce vice que tu pourras t'honorer du nom de fidèle. Que le mensonge et la médisance ne profanent point ta langue, afin que ta foi demeure parfaite et sans défaut. Si tes actions sont exemptes de toute hypocrisie, le flambeau de ta foi jouira de tout son éclat. Enfin, si rien d'impur et d'illicite ne souille ton ventre, tu mériteras le titre de fidèle. Note. Le texte ajoute à Dieu, ce qu'on pourrait rendre ainsi, cela suffit à ton bonheur. On dit proverbialement, l'éclat du cœur provient de l'usage des aliments licites. Saadi a dit, c'est le ventre qui lie la main et enchaîne le pied. Quiconque est esclave de son ventre, ne rend à Dieu qu'un culte bien imparfait. Gulistan, livre 8. Fin de la note. Celui qui réunit toutes ses qualités, est vraiment noble et digne de gloire, sans elle la foi n'est qu'une foi faible et imparfaite. Quand le corps est souillé par l'usage des choses proscrites par la loi, l'âme ne peut s'élever vers le ciel. Si les actions de l'homme sont altérées par l'hypocrisie, elles sont perdues et sans utilité, comme une belle peinture sur un tissu grossier de roseau ou de paille. Celui dont les œuvres ne sont point dictées par une intention pure, n'est point dans ce monde au nombre des serviteurs chéris de Dieu. Les actions de l'homme qui n'agit que dans la vue de Dieu, brillent toujours d'un éclat sans tache. Chapitre 8. En quoi consiste le fondement et l'essence de la foi? Ce chapitre manque dans quelques manuscrits et dans l'édition de Londres. Dans d'autres manuscrits, il forme le 40e chapitre de l'ouvrage. Je l'ai placé ici, parce qu'il me semble se lier avec le chapitre 7. La foi signifie la profession de la vraie religion, par laquelle on devient fidèle ou vrai croyant. Mon ami, six choses constituent le fondement et l'essence de la foi. Si tu as dans le cœur le désir de les connaître, je vais te les apprendre. Les trois premières sont une ferme croyance, la crainte et l'espérance. Il faut y joindre la confiance, l'amour et la pudeur. Celui qui possède une croyance inébranlable, a la vraie foi, et son cœur brille d'une éclatante splendeur. L'homme qui n'a point en lui-même la crainte de Dieu, n'a qu'une foi très imparfaite. Si le livre de tes œuvres a perdu sa blancheur par la souillure du péché, ne désespère point pour cela de la miséricorde divine. Quiconque ne s'abandonne point à Dieu par une confiance sans réserve, doit être pour toi un sujet de larmes et de gémissements. Celui qui n'a point dans le cœur l'amour de la divinité, ne retirera que du vent de toutes ses œuvres. Serviteur de Dieu, conserve-lui ton amour, si tu veux être à couvert des châtiments de sa vengeance. Ô mon frère, la pudeur fait partie de la foi, l'homme qui ne sait point rougir, appartient à la troupe de Satan. Si tu es vrai croyant et vertueux, que les regards de Dieu et ceux des créatures couvrent ton front d'une salutaire rougeur. Note. Mahomet, suivant Meïdani, a dit « La pudeur fait partie de la foi ». La raison en est, ajoute Meïdani, que l'homme qui n'a pas de piété, quand il est conduit par le sentiment de la pudeur, évite le péché, ce sentiment produit donc le même effet que la foi. Mahomet a dit aussi, si tu ne rougis point, fais ce que tu veux. C'est-à-dire que l'homme qui ne rougit point, ne connaît aucun frein qui l'arrête. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.